Exercice 3, page 67. A. E. O. B. Peu. Po. C. Be. Beau. D. Ve. Vaut. E. Feu. Faux. F. Creux. Croc.